Bonjour à tous. Quand on entend le nom golf, on imagine tout de suite un green de gazon super bien tondu, des clubs et une petite balle blanche, pas vrai? Ah bah oui, forcément, c'est la première image qui vient. Sauf que, voilà, l'origine de ce nom n'a absolument rien à voir avec le sport, en fait. Et en tant que salarié de la société UTAC, notre objectif du jour, c'est d'explorer les caractéristiques d'un véhicule mythique que notre entreprise met actuellement en vente. Une Volkswagen Golf 8 de 2022, exactement. Ok, décortiquons cela. Si ça ne vient pas du sport de précision, d'où vient son nom alors? Alors, historiquement, le constructeur avait pour habitude de baptiser ses modèles en s'inspirant des vents ou des courants marins. Tu penses à la Passat ou au Sirocco, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Et la Golf s'inscrit exactement dans cette lignée. Son nom provient en réalité du Golfstrom. C'est le terme allemand pour désigner le Gulf Stream, donc ce courant océanique incroyablement régulier et puissant. L'idée, c'est donc de concevoir une voiture capable de fendre les éléments. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est un peu comme, je sais pas, nager le crawl avec une combinaison parfaitement lisse au lieu d'un t-shirt ample. L'air glisse sur la carrosserie, ce qui réduit considérablement l'effort demandé au moteur, et donc ça fait baisser la consommation. Ouais, cette analogie est parfaite. Ce qui est fascinant ici sur ce modèle 2022, c'est que le design, c'est vraiment pas qu'une question d'esthétique. Il y a une vraie utilité derrière. Exactement. Chaque ligne de la carrosserie possède une fonction aérodynamique très précise pour minimiser la traînée. L'air n'est plus un obstacle. Il est accompagné, en fait. C'est ça. La voiture crée littéralement un flux pour garantir un confort totalement imperturbable. Bon, l'aérodynamisme, c'est bien beau. Mais avec une voiture aussi profilée, on s'attendrait presque à une motorisation super sportive. Et pourtant non. Bah oui, pourtant. Sous le capot, on trouve un moteur 2.0 TDI de 115 chevaux, avec une boîte manuelle à 6 rapports, un diesel de 115 chevaux en 2022. À une époque où on ne jure que par l'électrique ou les motorisations hybrides ultra puissantes, c'est pas complètement à contre-courant. Alors sur le papier, ça peut sembler modeste, c'est vrai. Mais c'est là qu'intervient l'ingénierie de précision. Ce moteur intègre la technologie Twin Dosing. Twin dosing, donc double dosage, c'est ça? Concrètement, oui. Il s'agit d'injecter de l'AdBlue à deux endroits distincts du circuit d'échappement. Ça permet vraiment de neutraliser les oxydes d'azote à différentes températures. D'accord, donc ça rend ce diesel extrêmement propre par rapport aux anciennes générations. Voilà, on est sur une vraie optimisation. Bon, on règle le problème des émissions, mais sur la route 115 chevaux, ça manque pas un peu de punch quand même? Pas du tout, car au quotidien, ce qui fait vraiment la différence, c'est le couple moteur. Ah oui, pour les relances. Exactement. Ce TDI délivre sa force dès les plus bas régimes. Il n'est donc jamais nécessaire de le pousser dans ses retranchements pour doubler ou s'insérer sur l'autoroute. Les relances se font avec une vraie sérénité. Ce qui explique aussi cette fameuse endurance dont on entend parler. Ah oui, complètement. On parle d'une voiture capable de dépasser les 1000 km d'autonomie avec un seul plein. Sans aucun problème, oui. Honnêtement, pouvoir traverser le pays d'une traite sans scruter nerveusement la jauge de carburant ou chercher une borne de recharge en panique, pour moi, c'est peut-être ça le véritable luxe automobile moderne. Je suis bien d'accord. Et pour avaler 1000 km d'une traite, l'habitacle se doit d'être à la hauteur du voyage. Ah, ça c'est sûr. Ce modèle précis est équipé de la finition Life First Business. Un vrai bureau roulant, en fait. C'est conçu pour isoler le conducteur du chaos extérieur, un vrai sanctuaire. C'est le mot juste. Face au volant, l'InnoVision Cockpit propose un tableau de bord entièrement numérique et que tu peux personnaliser. Et on y trouve aussi le régulateur de vitesse adaptatif, le fameux ACC, non ? Oui, le ACC. Pour faire simple, la voiture utilise ses radars pour caler sa vitesse sur celle du véhicule qui précède. Elle freine et accélère toute seule. Résolution et une insonorisation tellement travaillée que le calme règne même à 130 km/h, on a un environnement de conduite exceptionnel. C'est clair. Et c'est d'ailleurs ce qui rend l'offre du TAC si pertinente aujourd'hui. Il s'agit d'un modèle 2022 affichant seulement 51 200 km au compteur. Et un point super important, il a été entretenu mais avec un soin vraiment rigoureux par nos propres équipes. Tout à fait. En gros, il est prêt à affronter les 5 à 10 prochaines années sans la moindre hésitation. C'est le choix ultime de la raison. Ça garantit une fiabilité mécanique vraiment éprouvée. Et tout en préservant le plaisir d'un confort de roulement supérieur sans jamais tomber dans la surenchère technologique inutile. Oui, voilà. Et ça nous amène d'ailleurs à une réflexion plus globale pour clôturer. À l'heure où l'industrie promet des véhicules de plus en plus complexes, qui ressemblent parfois à des ordinateurs sur roues, la véritable innovation de demain sera peut-être de revenir à cette ingénierie de la simplicité et de l'endurance. La véritable maturité automobile ne réside pas dans l'excès, mais bien dans la maîtrise d'un voyage fluide et sans fatigue, prouvant que certaines légendes ne se démodent jamais. À bientôt.